J'avais les gros, le ventre creux, mais c'est des trous qu'on m'a demandé de creuser. Numéro d'écrou, dispatching fini épuisé, pestiféré. Dans la mer que l'inspire, je vais la puiser. Plus rien à espérer au casse-pipe, à peine cicatrisé. On cherche l'affection dans la rue, puisqu'on la trouve plus à la maison. Fume des joints à la fenêtre, tour de la défense pour horizon. Dis en modeste qui patiente et qui faut avec ce qu'ils ont. D'autres, les affamés qui s'impatientent et qui deviennent ce qu'ils ont. Argent haram, faut de la hiya pour tenir en prison. Bah si j'ai l'IA, mieux faut perdre la vue de la raison. Noir sera la saison, mais 23 hivers sombres, pas le droit à l'erreur. C'est dans les faits divers que les miens sombres. Je préfère la poussière, elle s'efface plus rapidement que le sang. Rouler le substitut, rêve HLM ressortissant. Angoissé, c'est dans nos vies que ça se ressent. J'ai le sang glacé sur le boulevard, fada assez bouleversant. Car ces jeunes médias essoufflés, est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test pour un bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Jeune média essoufflé, car je suis jeune média essoufflé. Est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test pour un bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Jeune média essoufflé. Moi je suis issu, comme toi mec, d'une vie sans issue. Adolescence bâclée, ce malgré mon insu. Pas un sou, mais rempli de rage, en mangeant su. Dans la pursuite, ma vie en bref et tout ça je l'assume. On dit vrai, jamais personne m'a vraiment poussé. Ma tête éclaboussée, c'est le rap que je dois épouser. Certaines personnes n'y croyaient pas, ouais. Ce que je parle peu, ouais. Quand je disais rentrer dans le pitch, je le ferais. Trop d'ambition, je me mets à fond pour ça, je suis paré. Mon inspiration prendra le front qui prend les paris, dis à ce qu'il paraît. À l'écoute de mon flow, l'MC disparaît. Dans le pitch, j'apparais. Mes questions maille, c'est toujours pareil. Donc j'explose Paris. Si on pitchera ça, c'est ma prose. Je me pose sans sourire, car notre vie n'est pas rose. Notre vie en peine, la porte est close. Trop de peine, ça cause. Dans chaque HLM, les problèmes nous opposent. Car ces jeunes médias essoufflés, est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test, mon vin bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait. Jeune média essoufflé, car je suis jeune média essoufflé. Est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test, mon vin bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Jeune média essoufflé, on va bien l'avouer. Sache que pour très peu de gens, moi je serai dévoué. Ma rime pour seul bouée, et je ferai tout pour pas échouer. Je sois loué, pour je préserve les liens noués avec les miens, ouais. Une dédicace pour tous ceux écroués. Et mon seul souhait, c'est au bout du compte pour vous enfin clouer. Mec à ceux qui disent, Exesso était un mec voué à mal finir. Marqué par le fouet, par les courroués. Si je me vends jouer, la morale de cet terrain joué. Devant le départ d'un de nos proches, il reste muet. Quand vient l'heure des reproches, ils mettent à suer. Dans nos galères, y'a pas que le temps qu'on voudrait tuer. Dans nos malheurs, je crois que la haine s'est accentuée. En conséquence, je crois qu'on se fait tous la concurrence. À chaque séquence, on voit des mecs qui voudraient en l'occurrence être le plus fort. On voit comme il avance, avec assurance. Mais c'est la pente longue, pour la montée, il faut de l'endurance. Ces jeunes médias essoufflés, est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test, mon vin bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait. Ouais. Jeune média essoufflé, car je suis jeune média essoufflé. Est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test, mon vin bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Jeune média essoufflé, car je suis jeune média essoufflé. Est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test, mon vin bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Jeune média essoufflé, car je suis jeune média essoufflé. Est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test, mon vin bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. À deux doigts d'étouffer. Jeune média essoufflé. Mec de test, enferme nos hairs. C'est denté. Quand rien ce n'est sauce.